pas triste, c'était la street, c'était la squad sur rue du Ris. Bienvenue à la banane, ici ça tire, ça te pète ton crâne. Ici ça vend de la coque, ici tout petit j'étais armé. T'as même des grands qui deviennent camés. C'est pas le 20h, gros c'est réel. C'est bien le 20ème, c'est bien la haine, c'est bien la squad, t'as la banane. Chacun, on s'est peut-être croisé, je me faisais courser, j'étais chargé. La squad, elle me détaillait, elle diable au charge, la pompe. Midi, minuit, ça charbonne, ça me dit remake de mon époque. Remake de mon époque, où petit Rambo vendait de la drogue. J'étais tout petit, je vendais du shit, c'était pas triste, c'était la street, c'était la squad sur rue du Ris. La squad, l'amour du risque, la bague passe, gros c'est risqué. Tu viens de saigner, tu te sens pissé, mais tu saignes le terrain. La rue, la vraie, et c'est gagne-pain, des noirs, des blancs, des sarrasins. Connard, me serre pas la main, Bendero, Bendero, dis-leur ma gueule. On a l'écrou, dis-leur que l'affaire est salée, que ça dans ma gueule, on veut croquer. Pourquoi serait pas nos tours ma gueule, quitter la tour. Nos tours de quitter le four, la juge cette pute, elle fait la sourde. Elle te foudroie pour très peu de poudre, elle te foutra à l'ontre en haut trou. La squad, lui s'en fout, ce qu'il veut ma gueule, gros c'est des sous. J'habite Paname, j'suis de la banane, où j'viens d'un coin, on t'a banane. Où j'viens d'un coin, pas très banal, la rue la vraie, chacun c'est ça. Les petites t'arraches, tu deviens tout pâle. 12-300i, ma gueule tu craques, 24-24, y'a de la patate. 7 jours sur 7, y'a du poulet. Le four, il est grillé, nous on s'en fout, on veut manger. J't'ai dit bienvenue à la banane, la rue la vraie, gros ça fait mal. C'est pas marrant, gros c'est fanant, c'est bien réel, c'est pas le parrain. C'est pas un film, fais pas le malin, tu me fais marrer à parler d'armes. La squad, elle vend de la banane, j't'ai dit ma gueule. Je vends de la banane. Ma gueule, bienvenue à la banane. Ici ça vend de la com, ici ça tire, ça te pète ton crâne. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squad sur rue du Ris. La squad, l'amour du Ris. Ma gueule, bienvenue à la banane. Ici ça vend de la com, ici ça tire, ça te pète ton crâne. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squad sur rue du Ris. La squad, l'amour du Ris. C'était bienvenue à la banane. Ma gueule, ça. Bienvenue à la panne aussi.